I do it for you. Anything I do. Quand je vais voler la banque, quand je vais tuer un homme, quand je vais manger des chips. Pisser aux toilettes, quand je vais aux zèleuses pis que je m'achète une paire de bobettes et des bobettes, quand je marche dehors. Anything I do it for you. Anything I do. Solo. Ramasser en prison, quand j'aurai pas d'argent pour ta pension, quand je vais battre nos enfants à coups de planche mais de bâton. Anything.